Comme tous les jeudis, nous plongeons dans l'histoire des sciences et aujourd'hui dans l'histoire de l'homme. Des données disponibles dans le monde ont été produites dans les deux dernières années. Pour autant, l'être humain a cherché à consigner sa mémoire depuis l'aube des temps. Et c'est certainement ce qui fait notre spécificité en tant qu'espèce, notre capacité à projeter nos pensées et nos souvenirs sur des supports extérieurs. D'abord des murs de grottes, puis sur des supports mobiles, bois, pierre, papier, puis déléguer cette activité à des machines, imprimeries, phonographes, jusqu'à la rendre virtuelle, numérique. Une succession de 0 et de 1 qui s'est transformée en tsunami numérique d'une mémoire de plus en plus réduite au temps présent. De la grotte au cloud, comment l'homme enregistre-t-il sa mémoire? C'est le problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et les deux scribes de la mémoire de l'humain qui vont nous conduire à travers cette histoire de la consignation de notre mémoire individuelle et collective, eh bien, ce sont aujourd'hui Denis Baudouin, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'histoire des instruments, des constructeurs et des rapports entre les fabricants et les savants. Michel Lagus, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS, ancien professeur de physique à l'ESPCI, spécialiste des supraconducteurs. Vous avez tous deux coécrit avec votre collègue Georges Chapoutier l'invention de la mémoire, écrire, enregistrer et numériser au CNRS édition. C'est de cela et de ce livre dont nous allons parler au cours de cette heure que vous pouvez suivre comme chaque jour sur les ondes et en direct sur notre fil Twitter en vous abonnant au compte @laméthodefc. Je le disais à l'instant, Denis Baudouin, Michel Lagus, la mémoire externe, c'est le propre de l'homme. Finalement, c'est ça, ça n'est pas le rire, ça n'est pas autre chose que le fait d'avoir une mémoire externe, Denis Baudouin. Ça n'empêche pas que le rire le soit aussi. Mais je dirais qu'il y a un moment particulier dans l'évolution, c'est le moment où un animal, un mammifère qui marche déjà sur ses deux pieds, au lieu de garder tout dans sa tête et dans son système nerveux, pourquoi ? Eh bien, il va commencer à faire des graffitis, à faire des signes sur une pierre. Et autant on peut se demander comment était sa mémoire avant, puisqu'il en avait une qui était déjà très importante en tant qu'être vivant, mais il y a un moment où il va graver. Et à partir du moment où il grave quelque chose, ça suppose qu'il veut peut-être le retrouver pour comprendre ce qu'il a gravé et le faire comprendre à un autre individu du groupe. Donc ça suppose déjà des tas de choses en termes de codage et de réflexion. Mais l'apparition de la mémoire externe, c'est quelque chose de très important et on le retrouvera à plusieurs reprises. Michel Lagus. Oui, pérenniser également sa mémoire, c'est quelque chose de très important. La communiquer, comme tu dis, mais également pérenniser sa mémoire bien après sa mort, etc. C'est un rêve qui commence à se réaliser. Je voudrais répondre à une question préliminaire qui, paradoxalement, se trouve à la fin de notre livre, dans la préface d'Hubert Reeves, que je remercie profondément et affectueusement de nous avoir écrit ce texte. Il cite le physicien américain John Wheeler qui disait « it from bit ». C'est-à-dire que s'il y a des choses, « it », c'est qu'il y a de l'information. Et avant de se souvenir, il faut savoir pourquoi et qu'est-ce que nous avons à retenir. Et plus la physique avance, et je m'arrête là, plus elle s'aperçoit que les lois de la physique, eh bien, c'est simplement de l'information. C'est de la géométrie, ce sont des lois qui s'inscrivent dans des nombres et dans l'information. On va parler tout au long de cette heure de l'évolution, de la façon dont nous avons consigné, nous les humains, cette information. Mais avant de parler de son externalisation, de l'externalisation de la mémoire, écrire, enregistrer, numériser, c'est le sous-titre de votre livre, peut-être qu'il faut souligner que la première machine mémorielle, peut-être même la plus efficace jamais inventée, c'est nous. Denis Baudouin. C'est Homo sapiens sapiens. Sapiens sapiens, oui, mais qui est dans la longue lignée du vivant. C'est-à-dire que le vivant commence lorsqu'apparaît les gènes, lorsqu'apparaissent les gènes et le génome. C'est déjà un système d'enregistrement et de mémoire et de conservation d'informations. Et même si on remonte avant, il y a déjà dans l'univers un système de conservation de l'information. Les ondes gravitationnelles qu'on reçoit, ce sont, comme le dit dans notre autre préfacier Yves Quéré, c'est déjà un enregistrement qui s'est fait il y a très très longtemps et que nous recevons et que nous enregistrons au carré. C'est son expression. Yves Quéré est un physicien aussi qui nous a fait l'amabilité d'une préface, puisqu'on est bien encadré, on a une préface, une postface. Une postface du Berry, c'était la postface, hein, effectivement. Donc, si vous voulez, cette évolution du vivant fait qu'il y aura déjà enregistrement, mais dans des mémoires internes au système nerveux. Et comme on le disait tout à l'heure, pourquoi, à un moment donné, apparaît une mémoire externe? Ça, c'est un peu le mystère. Mais on va voir comment ça s'est développé après. Et on va voir qu'il y a aussi une notion qui vous tient à cœur et sur laquelle on va revenir tout au long de cette heure, Michel Lagus et Denis Baudouin. C'est la notion de boucle, puisque l'ADN est aujourd'hui peut-être certainement, on en a parlé ici au cours d'une émission dont on va mettre le lien sur le fil Twitter, l'une des façons les plus efficaces, les plus compactes, inventées de tout temps, de mémoire d'homme, pour consigner précisément de l'information. Et donc, la boucle est bouclée, c'est le plus facile. Et puis, on est en train de réfléchir précisément à consigner aujourd'hui, à utiliser l'ADN pour stocker de l'information. Voilà, je vous sens très pressé d'arriver à la fin de notre émission. Pas du tout, absolument pas, on en reparlera tout à l'heure. Mais puisque vous posiez une première question sur cette machine fantastique qu'est l'homme et sa capacité à se souvenir, ça a été mesuré. Ça a été mesuré en 1986 par une personne qui s'appelle Thomas Landauer. Enfin, il a essayé de chiffrer. Hein. Et qui, par plusieurs méthodes, en tout cas, a minimisé, maximisé cette quantité d'informations qu'on peut mettre dans sa mémoire consciente. Parce qu'il y a des tas de manières de calculer en théorie, mais vous faites faire des exercices de mémorisation à quelqu'un, et puis vous voyez bien ce dont les gens sont capables de se souvenir. Eh bien, c'est à peu près une centaine de livres. Hein, ça fait quelques centaines de mégaoctets, et en tout cas, ça ne dépasse pas un gigaoctet. Autrement dit, à la mesure de ce que nous sommes capables de tenir dans notre main comme quantité de mémoire externe, c'est pas grand-chose. C'est très petit. C'est-à-dire mais que c'est n'importe quel téléphone portable aujourd'hui a 10, 20, 30, 100 fois plus de mémoire qu'un cerveau humain, c'est ce que vous êtes en train de nous dire ? Oui, voilà. Au minimum 100 fois plus. Et si on compte le contenu d'Internet auquel on a accès, c'est des milliards de fois plus. Mais il faut pas raisonner uniquement en termes de quantité de mémoire. Et puis surtout, nous avons une conscience. On parle là de la mémoire consciente. Mais nous avons aussi un inconscient. Et les rapports entre les deux commencent à être compris, mais c'est très balbutiant. Et puis je vais renvoyer encore une fois à une autre émission, puisque j'ai la mémoire de ces émissions que nous avons commencé depuis l'année dernière, qui était consacrée précisément aux connaissances en neurosciences sur ce qu'est le phénomène de conscience, ce qu'est la conscience de façon neuroscientifique. On va vous mettre une fois de plus le lien sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Alors avant de se précipiter vers la fin de l'émission, que je n'attends pas plus que vous, Denis Baudouin et Michel Lagus, on va recommencer par le tout début, à savoir les premières manifestations d'externalisation de la mémoire humaine. Vous le disiez, Denis Baudouin, un graffiti sur un mur. Quelles sont les premières traces dont on dispose, où l'on est à peu près sûr qu'il ne s'agit pas, je ne sais pas, d'une représentation artistique, mais d'une volonté de consigner un savoir, donc de l'inscrire dans une autre temporalité que celle de la mémoire humaine? Je dirais que la représentation même artistique, elle était quand même déjà un signal, parce qu'il y a un codage quand même implicite, qui est au moins l'image, mais les premières gravures, semble-t-il, c'est la pierre de Blombos en Afrique, qui a été trouvée en Afrique du Sud, sur laquelle, toi, Michel, tu as un peu capitalisé. C'est à quelle époque, ça? C'est il y a 75 000 ans. 75 000 ans, c'est ça. Qui sont le premier signe qui aurait une signification, donc qui suppose codage et communication et transmission. Je me permettrai de rajouter, excuse-moi, c'est pas du tout pour compléter, que depuis très peu, ce n'est pas Sapiens, mais Néandertal, oui. Néandertal ancien, dans la grotte de Bruniquel, il y a 170 000 ans, donc voilà, aurait laissé des traces organisées avec des centaines... De cailloux disposés de cailloux. En cercle concentrique. Oui, oui, ça, effectivement, j'avais vu l'information. Donc il y a du nouveau en permanence, si on peut dire, dans ce domaine-là. Mais ça veut dire que, à la fois, c'est très ancien et c'est pas très ancien. C'est pas très ancien parce que après ça, les choses vont aller relativement vite à l'échelle des temps géologiques et voire de l'évolution, puisque l'écriture va apparaître quelques dizaines de milliers d'années plus tard, c'est-à-dire 4000, 5000, 6000 avant, et encore ça dépend ce qu'on appelle l'écriture. Ça aussi, il y a débat, il n'y a pas de consensus scientifique sur l'apparition de l'écriture. Il y a des tas de spécialistes de l'écriture, mais ce qu'on peut dire, c'est que l'écriture est déjà une deuxième étape dans cette évolution de la mémoire externe, puisqu'elle est très élaborée, et ne serait-ce que sur la Mésopotamie, il y aurait beaucoup de choses à dire. On en a parlé aussi il n'y a pas longtemps, décidément. On va pas renvoyer tout le temps, on ne va pas passer l'heure à renvoyer aux émissions précédentes. Non, un mot peut-être, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure, avant l'écriture, sur la notion de carte, il y a plusieurs choses qui sont déterminantes là-dedans, à la fois une forme de capacité d'abstraction, comme vous venez de le souligner, c'est-à-dire qu'on représente quelque chose, non pas de façon... réaliste, mais en tout cas en le schématisant, ce qui est quelque chose qui marque quand même une évolution de la pensée. Et puis par ailleurs, une autre conception du temps, Michel Lagus. On n'est plus juste dans le temps d'une vie humaine, mais on arrive à se projeter au-delà dans une autre forme de temporalité. Tout à fait. Il y a beaucoup de choses, on a beaucoup de mal à se rendre compte de toutes les innovations qui sont faites depuis le néolithique, disons, depuis quelques milliers d'années. Mais... D'un côté, il y a la cartographie et le dessin. On va appeler ça l'analogique, parce que spontanément, on reconnaît un animal quand on est dans la grotte de Lascaux. Il n'y a pas besoin d'avoir été à l'école. Mais par contre, quand on voit des hiéroglyphes, c'est du chinois pour nous, si j'ose dire, si on n'a pas été à l'école. Ou de l'égyptien. Ou de l'égyptien, voilà. Mais... et qu'est-ce que ça signifie que à ce moment-là, Sapiens a été capable d'inventer des systèmes de représentation analogiques, c'est-à-dire directs, et puis des systèmes symboliques codés et des choses qui sont intermédiaires ou complémentaires entre les deux. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que notre esprit, notre cerveau est préparé, les tout petits enfants sont capables soit de reconnaître évidemment l'analogique, de dessiner, etc., mais également de décoder des symboles très très tôt. Il y a un autre élément peut-être important à signaler, Denis Baudouin, auquel vous faites référence dans votre livre, c'est que on est là dans une logique évolutive, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on représente, où on laisse une trace, où on laisse une trace à laquelle on va pouvoir se référer plus tard dans le temps, eh bien on libère de la place dans le cerveau pour faire autre chose, pour penser autre chose, pour s'organiser différemment. Voilà, alors ça c'est une idée qu'on a eue au fil de nos réflexions, elle serait sûrement invalidée, mais on peut penser que, et en tout cas moi c'est une idée qui m'a servi pour expliquer les systèmes d'enregistrement à des gens qui n'avaient pas forcément le niveau scientifique correspondant à cela, et je leur ai dit voilà, à partir du moment où l'homme enregistre, il libère de la capacité de travail dans son cerveau, comme dans votre ordinateur quand vous ajoutez des mémoires externes. Ça c'est une image qui pédagogiquement passe très bien déjà, et ça explique aussi le pourquoi de l'enregistrement, parce que on libère de la capacité de mémoire interne pour faire autre chose, parce que le stockage finalement, une fois qu'il est bien fait, bien stocké, c'est très commode, on peut y revenir, etc. Mais alors sur le stockage justement, au moment de l'écriture, il y a peut-être, on n'est pas spécialiste de l'écriture, hein, mais il faut peut-être insister sur 2-3 points, et notamment sur l'écriture, tu avais 2 ou 3 idées que tu voulais souligner, Michel. Michel Lagus, oui. Sur l'écriture, parce qu'on peut pas, alors on peut avancer, on peut sortir de la carte pour arriver rapidement à l'invention du graphème. Là, on passe dans une capacité d'abstraction beaucoup plus forte, c'est-à-dire qu'on est capable de tracer des signes qui n'ont plus de signification immédiate, symbolique, mais qui deviennent justement abstraites. Des concepts. Tout à fait. Donc, je réponds tout de suite à cette proposition. Sur le cerveau humain et ses capacités particulières, parlons un peu de néothénie. Plus les choses avancent, de nombreux scientifiques de disciplines très différentes sont d'accord pour penser que l'espèce sapiens est une espèce immature qui vient de se séparer des espèces précédentes et qui, de ce fait, est encore dans l'hésitation de ce qu'elle va devenir dans le futur, dans quelques millions d'années. Bon, on n'en est pas là pour nos réflexions actuelles, mais et cette néothénie veut dire que, entre autres, nous avons un appétit pour le jeu tout à fait exceptionnel dans la nature. Hein, les animaux jouent, mais uniquement pour apprendre quand ils sont petits, quand ils sont enfants. Les adultes sapiens jouent toute leur vie, ou sont capables de jouer toute leur vie. Et j'en reviens tout de suite à la science. Pourquoi ont-ils tant d'appétit pour la science? C'est ce fait de comprendre, parce que c'est un jeu. Et c'est un jeu qui leur permet, je reprends l'idée de faire de la place dans le cerveau, plutôt que d'apprendre par cœur des suites de souvenirs, c'est beaucoup plus amusant et beaucoup plus efficace de trouver des règles qui permettent de compacter l'information. Voilà, ça, il me semble que c'est un point très important qui est câblé dans notre cerveau et avec lequel on fonctionne. Bon, notre ami Georges Chapoutier dit que parmi les autres jeux qui sont spécifiques, on connaît bien le loto, etc. Et puis, l'activité sexuelle démesurée des êtres humains, sapiens. Bon. Sinon, ce à quoi tu faisais allusion... Bien sûr, allez-y. Non, mais prenez votre temps. Et je pense qu'on pourra passer à autre chose que l'écrit. Les grandes étapes qui sont très marquantes pour la suite, c'est l'alphabet, parce que on a réduit le nombre de symboles de quelques milliers ou de quelques dizaines de milliers à une trentaine. Qu'on retrouve dans plusieurs types d'alphabets d'ailleurs au fur et à mesure de l'histoire de l'invention de l'écriture. Voilà, le succès a été fulgurant. Le papier. Alors, l'histoire du papier permet de faire une remarque, c'est qu'il est inventé 3 siècles avant Jésus-Christ en Chine et qu'il arrive en France en 1348. Et il arrive à Bagdad en 750. Et 750, voilà. Donc il a fallu 1600 ans pour faire circuler cette chose. Je vous interromps, je dis un mot tout de même sur le papier qui est intéressant, parce que ce que vous dites à travers le papier et ce que vous soulignez également dans votre livre, c'est la transformation des supports. C'est-à-dire que d'abord, on est sur des supports fixes, sur un mur de grotte, puis sur des supports mobiles, un os, un caillou, une tablette d'argile, et puis petit à petit, de la pierre évidemment, et puis petit à petit, ces supports vont devenir du papyrus, des peaux, du papier. D'un seul coup, voilà, on arrive vers une plus grande maniabilité, vers une plus grande diffusion aussi. On peut consigner plus sur un vélin que sur une tablette de marbre. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que cette conceptualisation a été mise en place, on va aller vers l'efficacité plutôt. Michel Lagus. Ce mécanisme d'avoir une foultitude de supports qui sont en compétition les uns avec les autres et finalement une convergence vers le papier, une convergence mondiale, on va le retrouver en électronique avec le silicium. Aujourd'hui, il y a une unanimité pour l'utilisation du silicium. Alors, le papier, il y a une autre étape extraordinaire qui est le codex, c'est-à-dire l'accès en parallèle à toutes les pages d'un livre. Voilà, le codex, c'est la forme du livre que l'on connaît aujourd'hui, qui remplace les rouleaux, qui sont beaucoup plus difficiles de manipulation, puisque pour se retrouver à un endroit d'un rouleau, il faut tout dérouler d'un côté de l'autre, etc. Et là, on a l'accès séquentiel. Et là, on a un accès séquentiel dans un livre. Ce qui ne veut pas dire que les accès séquentiels n'ont plus d'intérêt. On verra en informatique qu'on utilise les deux de temps en temps. Et la dernière chose qui est assez extraordinaire, c'est l'imprimerie. Parce que l'imprimerie, elle nous amène à l'ère industrielle. Et on se posait la question tout à l'heure, est-ce que c'est de l'industrie avant l'ère industrielle ou non? On va reparler de l'imprimerie dans une petite seconde. J'aimerais juste vous faire dire un mot sur autre chose d'important, parce que avec la variabilité des supports, il y a autre chose aussi, c'est que ce qui est consigné change petit à petit de nature. On ne consigne plus uniquement ce que l'on voit, on consigne pour transmettre, on consigne ce que l'on pense et ce que l'on sait, Denis Baudouin. Oui, effectivement. On établit des règles, on codifie. Au début, on consigne des choses très matérielles, probablement. Quoique, dans les fresques, il y a quand même probablement de l'abstraction. Enfin, ça, c'est les spécialistes qui peuvent en débattre. Mais disons qu'on voit une évolution vers le concept, avec notamment la civilisation grecque, par exemple, mais même les Chinois aussi. Et puis, il y a une chose que je voudrais souligner, c'est que à un moment donné, on va être assez encombré avec tout ça, et je voudrais qu'on arrive assez rapidement à parler peut-être de la suite, parce que c'est très long l'histoire de l'écriture, ça dure quand même sur pas mal de millénaires. Mais pendant tout ce temps-là, le savant, revenons un petit peu à lui, eh bien, c'est lui-même qui va noter. C'est-à-dire qu'il va être le capteur du phénomène, il va réfléchir au phénomène, et puis il va noter, il va prendre ses notes, ses chiffrages, etc. Et tout ça, ça évolue pendant longtemps, mais le savant et l'homme gardent une fonction importante. Et quand on va inventer la machine à enregistrer, c'est une deuxième révolution, ou une troisième, qui est d'une autre nature encore. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est déjà 16h20, vous écoutez la méthode scientifique sur France Culture. Nous parlons de l'invention de la mémoire. C'est le titre du livre passionnant coécrit par Michel Lagus, Denis Baudouin, qui sont nos invités, et Georges Chapoutier, publié au CNRS Éditions. On y vient à la machine à inventer que vous venez d'évoquer, Denis. La machine à enregistrer, l'invention de la mémoire, la machine à enregistrer, tout à fait. On fait un bond temporel d'importance. C'est intéressant parce qu'on pourrait se dire que finalement, la révolution suivante, c'est l'imprimerie. C'est pas du tout ce que vous dites dans votre livre. Vous dites qu'il y a bien plus important que l'imprimerie, un peu plus tard, c'est l'anémomètre. Expliquez-nous pourquoi, Michel Lagus. Alors, ou Denis Baudouin. Je vais revenir un peu là-dessus. Bon, l'imprimerie, c'est fondamental, bien sûr. À la Renaissance, on invente l'imprimerie qui reste relativement lente, et puis on va l'industrialiser au 19e. Mais il y a un moment de l'humanité où l'homme invente lui-même une machine à enregistrer. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit l'homme qui écrive sur un papier les données scientifiques sur lesquelles il va travailler, il va créer une machine qui enregistre elle-même les phénomènes. Alors, comme nous sommes au XVIIe, puis surtout au XVIIIe siècle, les mécanismes qu'on a à l'époque déroulent directement de l'horlogerie, qui, faut le souligner, est fondamentale dans le système, puisque si on veut enregistrer un phénomène, il faut au moins deux choses. Il faut un capteur pour enregistrer les données du phénomène, et il faut une base de temps. Et cette base de temps, on va la retrouver tout le temps. On va la retrouver encore aujourd'hui, puisque ça reste fondamental dans nos systèmes actuels. Mais dès l'époque, évidemment, il faut pouvoir dire à quel moment s'est produit le phénomène qu'on veut enregistrer. Donc, importance de l'horlogerie. Et comme on est sur des bases qui n'évoluent pas très vite à l'époque, on ne sait pas mesurer les choses, le temps, de façon très rapide, on va d'abord enregistrer les phénomènes météorologiques. Et le premier appareil qui apparaît en Angleterre au milieu du XVIIe, c'est la Weather Clock, sur laquelle on a fait un petit paragraphe, c'est-à-dire l'enregistreur météorologique, si on peut dire, sur lesquels on a des textes, mais on ne connaît pas la machine. Par contre, la première machine conservée, et qui est magnifique, et qui est au CNAM, c'est l'anémomètre de Pajot-d'Ensembray. Pajot-d'Ensembray est un académicien. 1734. Et qui invente une machine qui peut enregistrer la force et la direction du vent pendant 36 heures. Et nous avons des textes magnifiques de cet homme, qui dit que plutôt que d'employer des gens à noter tous les quarts d'heure la direction et la force du vent, on va avoir une machine et on va faire le relevé toutes les 30 heures. Et on va en mettre tout au long du littoral français pour savoir comment le vent arrive sur le littoral. C'est déjà une avancée météorologique très importante pour voir comment aujourd'hui on dirait que les perturbations arrivent sur le territoire. Et c'est très important parce qu'au XVIIIe siècle, on est en plein développement de la navigation. Il y a une concurrence énorme entre les puissances européennes sur les questions de navigation, que ce soit militaire ou pour les découvertes ou pour le commerce. Et donc, la météo est quelque chose de fondamental. Tout de même que la mesure du temps. Donc, cet appareil est vraiment l'appareil fondateur en matière d'instruments d'enregistrement. Au service de la science. Vous écrivez, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une machine créée par l'homme peut être substituée à son cerveau et à sa main pour mesurer et enregistrer sur le papier les composantes d'un phénomène de la nature. C'est le deuxième type de mémoire artificielle. Après l'écriture, vous faites la réhabilitation de l'anémomètre dont on n'imaginait pas qu'il ait cette importance-là dans l'histoire de l'humanité, Michel Lagus. Tout à fait. Et surtout, on revient à de l'analogique, c'est-à-dire au dessin. L'écriture, c'était essentiellement du code. Et là, on revient à la reproduction microscopique de ce qui se passe, ou macroscopique. Vous faites avec votre main un dessin vous-même qui commence à rappeler le sillon, et on va faire encore un bond dans le temps parce qu'on est déjà quasiment à la moitié de cette émission. L'enregistrement, on l'a dit, d'un phénomène naturel, et il y a une autre étape qui va être franchie quelques années plus tard, au milieu du 19e siècle, avec ceci. Voilà, ne réglez pas votre radio, hein, ça n'est pas votre poste qui crachote. C'est la première, c'est le premier enregistrement d'une voix humaine. Pourquoi est-ce que c'est une avancée extrêmement importante, selon vous, dans le processus de consignation, Michel Lalius? Alors, je vais tout de suite laisser la parole à Denis, mais je voudrais dire, puisque vous me donnez la parole, que cette machine dont va nous parler Denis n'était pas conçue pour reproduire la voix. C'est ça qui est étonnant. Denis Baudouin. Oui, alors nous sommes en 1857, je crois, et il y a un homme qui s'appelle Scott de Martinville, qui est typographe, qui travaille beaucoup sur les documents de l'Académie des sciences, mais en tant que typographe, et qui se dit, ça serait tellement plus commode si on pouvait photographier l'écriture, photographier la parole. Daguerre vient d'inventer la photo, Arago a poussé la photo comme la photographie comme système extraordinaire de reproduction. Niepce avant Daguerre, enfin, mais c'est Arago qui en fait vraiment la promotion. Et il se dit, on va photographier la parole sur un support qui est le noir de fumée, et on en reparlera du noir de fumée, c'est très important. Et il va avoir un stylet, il va reproduire l'oreille humaine à sa façon, avec un énorme cornet, une membrane, un stylet, qui va faire un graphique. Mais son idée, c'est de faire une espèce de sténo de la parole. Hein. Il n'a pas du tout l'idée de le reproduire. Alors, l'appareil est construit par un constructeur de l'époque, Koenig, qui est un constructeur français d'instruments acoustiques. Et puis cet appareil, sans doute, sera montré à l'exposition de Philadelphie en 1872. Et on pense que Edison l'a vu. Et justement, c'est là où Edison, à qui on attribue beaucoup d'inventions ou de découvertes, et qui s'est inspiré de beaucoup de ses contemporains, on peut citer Tesla par exemple, mais Edison, c'est effectivement à lui que l'histoire a retenu l'invention du phonographe. C'est donc, comme vous venez de le dire, un peu plus compliqué que cela. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous vous êtes précisément rendu au CNAM, au Conservatoire National des Arts et Métiers, pour voir l'un des plus célèbres modèles du fameux Standard C. Oui, le Standard 6, c'est le modèle le plus connu d'Edison parce qu'il était commercialisé en masse au début du XXe siècle. Alors l'idée de base de ce phonographe, c'était de pouvoir fixer la parole humaine sur un support physique. Et comme vous le dites, l'idée n'était pas tout à fait nouvelle, puisqu'Edison s'est largement inspiré de Scott de Martinville. Mais quand même, avec le phonographe, on pouvait pour la première fois réécouter du son enregistré. Et j'ai pu en avoir une démonstration grâce à François Mathias au Musée des Arts et Métiers. Alors, ce modèle-là, c'est le plus célèbre en fait d'Edison, le plus répandu. C'est le Standard C d'Edison, le Standard C. Il y a eu des précédents dans l'histoire. On sait que Charles Crowe, qui avait travaillé avant Edison, sur un principe assez similaire, avait appelé ça le paléophone. Donc voilà, mais le nom phonographe, c'est vraiment utilisé par Edison en 1877 sur les premiers brevets qui sont déposés. En fait, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de moteur électrique, c'est totalement mécanique. On a affaire à un boîtier relativement petit et surtout facilement transportable. Hein. Le Standard C est équipé d'un coffre, en fait, d'une partie supérieure qui est dotée d'une poignée et qui permet le transport. Alors, les premiers appareils sont en général des appareils qui sont destinés à enregistrer et à écouter. Vraiment, le fonctionnement repose sur de la gravure sur un cylindre. L'idée, c'est de graver en fait des sillons sur, au départ, une feuille d'étain chez Edison. Il avait essayé 200 matériaux différents, mais il avait opté au début pour une très fine feuille d'étain. Et effectivement, l'idée, c'est qu'on utilise un cornet acoustique qui va être dans la partie supérieure, qui est caractéristique des phonographes, que je vais fixer d'ailleurs tout de suite. C'est le pavillon qui permet d'orienter en fait l'onde acoustique vers une membrane en fait qui se trouve juste au-dessus du cylindre. Et dans les premiers modèles, le principe restera assez similaire, la membrane est reliée à une pointe qui va graver en fait la feuille d'étain. Donc dans le premier modèle d'Edison, c'est complètement mécanique, il faut tourner en permanence une manivelle. On parle, la voix est gravée sur la feuille d'étain grâce à la pointe. Et pour lire l'enregistrement, il suffisait tout simplement de faire l'inverse. On repassait la pointe dans les sillons gravés en tournant toujours la petite manivelle. La membrane vibrait au rythme de la pointe qui lisait les sillons. Et le cornet acoustique restituait le son enregistré. Donc c'est assez basique, c'est vraiment du son analogique. C'est basique, mais quand même, on voit que c'est la reproduction un peu de l'organe de l'oreille. Il y a un pavillon, il y a une membrane. Il y a la membrane, ouais. Oui, tout à fait. Il y a une sorte de tympan, on pourrait comparer ça au tympan. Oui, tout à fait. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut trouver au niveau de la biologie humaine dans l'oreille. Et là où c'est un peu crucial, c'est qu'on arrive à le restituer ce son-là, qu'on arrive à reproduire du son à partir d'une gravure. Oui, c'est assez surprenant. C'est une découverte qui s'est faite au fil du temps. Il y a eu beaucoup de prédécesseurs. Edison s'est arrogé le primauté de l'invention, mais il y a beaucoup de noms qu'on pourrait citer. Thomas Young, Léon Scott de Martinville, Charles Crook. Donc effectivement, mais l'idée, c'est vraiment d'enregistrer le son, et c'est une première dans l'histoire de l'humanité. Pour la première fois, on peut entendre la voix de quelqu'un qui n'est pas là. Le principe, c'est de faire avancer le cylindre à la fois de la gauche vers la droite, et en même temps de lui donner un mouvement de rotation. Vous allez le voir, je vais vous montrer. Alors, je rabats la membrane et le système de lecture. Je vais tourner une petite manivelle sur le côté de l'appareil qui va permettre de tendre un ressort spirale, comme dans les systèmes d'horlogerie. Donc là, je tourne, je donne de l'énergie en fait en tournant la manivelle. Le ressort se tend, c'est un petit ressort plat en forme de spirale. Et ensuite, c'est la détente de ce ressort qui va assurer la rotation régulière du cylindre. Là, j'ai fait, je sais pas, une dizaine de tours, une quinzaine de tours suffisent en général. Qu'est-ce qu'on écoute là ? Une valse fiançailles exécutée par la musique de la garde républicaine. Voilà. Et vous verrez, je vous ferai écouter un autre cylindre. Sur la boîte d'ailleurs, on voit aussi Edison n'oublie pas de faire sa propre publicité. Il y a marqué Edison Records. Donc là, on est en quelle année ? Là, ce sont des morceaux qui datent de... Oula, je vais l'arrêter, il est très abîmé. Ce sont des morceaux qui datent de 1900, à peu près, des années 1900. Hein. Alors là, vous placez un autre cylindre. Voilà. Alors celui-ci, il est plus récent, donc il est en meilleur état. Donc il y a un présentateur qui va donner le... Record Edison. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer la scène, on a un orchestre qui joue son morceau musical. Oui, tout à fait. Il y avait des murs en fait de phonographes enregistreurs avec d'énormes pavillons. Et les orchestres jouaient devant, on pouvait enregistrer dans une journée 40 titres le matin, 40 titres le soir. Alors je peux vous faire écouter le morceau sans le pavillon, vous allez entendre la différence. Vous allez voir pourquoi le pavillon c'est intéressant. J'enlève le pavillon. Oui, parce qu'en fait le pavillon sert d'amplificateur. C'est l'amplificateur, tout à fait. Et on utilisait ce genre d'appareil dans les cérémonies, du coup, dans les salons. Alors, les applications, les applications sont assez variées en réalité, parce que il faut se souvenir qu'en fait, jusqu'au début du XXe siècle, il n'y a ni radio ni télévision. Et en fait, on utilise le phonographe pour énormément d'applications. C'est-à-dire que, par exemple, on sait que Charles Patté a l'idée en fait d'installer des phonographes dans des cafés. Il voit que c'est une invention qui est très intéressante. Il gagne pas mal d'argent. Il faut mettre sa petite pièce pour écouter de la musique. Il va avoir l'idée d'enregistrer en fait carrément des discours politiques. C'est-à-dire que le seul moyen que les gens ont d'entendre le discours d'un homme politique, c'est le phonographe. Alors on sait que Charles Patté fait l'acteur. Il ne va pas payer un homme politique pour lire son discours. Donc il prend le journal du matin, il y a un discours important qui est retranscrit, il va le lire en prenant un ton d'acteur. Et les gens qui écoutent ça quelques semaines ou mois plus tard pensent que c'est l'homme politique en question, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais donc c'est vraiment un média qui a permis à la fois l'écoute de la musique, c'est très populaire. La musique va connaître un succès considérable. L'industrie musicale, elle naît avec le phonographe. Mais il y a aussi d'autres applications, et notamment les informations. Voilà le reportage du jour sur ce phonographe d'Edison. Une réaction, ça vous avez réagi tout au long de la diffusion de ce reportage, Denis Baudouin ? Oui, eh bien, on est au summum, je dirais, de ces machines enregistrées qui vont s'étager, dont la production et l'invention va s'étager sur deux siècles à peu près, du milieu 18e au milieu 19e, pour la partie justement dont on parlait, c'est-à-dire de l'instrument enregistreur. Alors, juste à quelques grands traits, au début, on est purement sur des systèmes mécaniques. Lorsque l'électricité commence à être maîtrisée vers le milieu du 19e en tant que nouveauté scientifique, on va introduire l'électricité dans l'appareil. Le premier appareil qui a introduit l'électricité, c'est le sismographe de Palmieri à Naples, qui est un appareil extraordinaire pour enregistrer les séismes. Et puis, peu à peu, on va mélanger mécanique et électricité, on va mélanger mécanique et argentique, c'est-à-dire la photographie. Parce qu'il faut dire qu'en même temps que se développent les machines à enregistrer le son, se développent, vous le disiez tout à l'heure, les machines à enregistrer l'image avec les premières plaques photographiques. Et tous les couplages vont être possibles. Et un des grands artisans de ces couplages va être Jules Marais. Jules Marais, sur lequel on pourrait passer toute une émission, qui est un homme passionnant. Jules Marais est un médecin, qui est un médecin mécanicien. Et parmi ces inventions, il y en a une petite que j'ai apportée ici, c'est le sphygmographe de Marais. Alors Marais invente un tout petit appareil qui pèse 250 grammes. Décrivez-le nous, alors, pendant que vous êtes en train de remonter. J'essaie de vous le décrire, je le remonte, et là vous entendez peut-être le bruit de sa petite mécanique. Il le fait construire par divers constructeurs, dont Breguet, le grand horloger. Alors cet appareil se fixe sur le poignet du patient et permet sur une petite bande de papier de 2 cm de large sur 12 cm de long d'enregistrer les pulsations cardiaques. Et qu'est-ce qu'il va faire avec cet appareil? Il va démontrer l'existence de la systole et de la diastole dans la pulsation cardiaque qui était fortement contestée à l'époque. Donc cet appareil non seulement permet de faire une découverte scientifique très importante sur le système de circulation sanguine, mais il va faire un grand nombre d'observations et faire un catalogue, si bien que le médecin qui s'équipe de ce petit appareil et qui va chez un patient pourra distinguer la pathologie du malade en fonction de ce catalogue d'oscillations. Et puis Marais va aussi inventer le fusil photographique qui sera l'ancêtre de l'appareil de lumière. On va demander à Noémie Naguette-Saint-Vulfranc qui s'occupe du fil Twitter de l'émission de trouver une petite représentation de cet appareil que vous avez amené. Si on n'en trouve pas, on mettra une photo tout à l'heure sur notre fil Twitter. Un mot important avant de passer à la modernité, Michel Lagus, et vous venez d'en parler, Denis Baudouin, et c'est certainement essentiel, c'est avec ces nouvelles techniques d'enregistrement, qu'elles soient auditives, visuelles, on arrive dans un espace, on est en pleine époque rationaliste, on est en plein milieu ou de la première révolution industrielle, et eh bien les scientifiques vont s'en saisir immédiatement. Et non seulement pour les améliorer, comme vous venez de le décrire avec Jules Marais, mais aussi pour s'en servir eux-mêmes pour leurs expériences, pour la science, pour faire avancer la science, et donc rentrer précisément dans cette boucle de rétroaction qui est chère à votre cœur, Michel Lagus. Tout à fait. À ce moment-là, au 19e siècle, il y a très peu de différence entre l'artisan, l'ingénieur et parfois le savant. Il y a des multiples exemples, mais Arago, qui était un scientifique très connu, polissait lui-même ses lentilles d'expérience. Et donc, tous ces instruments... Directeur de l'Observatoire de Paris, Arago. Tout à fait. Notamment, un des grands directeurs de l'Observatoire qui tenait conférence. Voilà, il fabriquait ses instruments lui-même. Et donc, les instruments n'ont pas à rentrer dans le labo. Ils peuvent apparaître chez un artisan, chez un ingénieur, ou... dans les mains d'un scientifique. Pierre Curie a fabriqué lui-même pas mal de choses. Donc on a de très nombreux exemples. La méthode scientifique, Nicolas Martin. I'm just like Grandpa Reco. Since I met you, I go round and around. And around and around, singing I love you, just like a gramophone record. The whole day through, I go round and around and around and around, singing I'll be true. I want my song to be your favorite serenade, because I long to be number one on your hit parade. So just like a gramophone record, I'll spin life through, going round and around and around and around, singing I love you. Thank you. Just like a gramophone record, juste comme un, comme un disque, un enregistrement gramophone de Dorothy Squires, puisque nous parlons précisément d'enregistrement, de mémoire, de l'invention de la mémoire. C'est le titre de l'ouvrage coécrit par Michel Lagus, Denis Baudouin, qui sont nos invités, et Georges Chapoutier au CNRS édition. Nous allons poursuivre cette émission précisément et aborder le XXe siècle et la modernité et l'extraordinaire accélération des techniques et diversification des techniques d'enregistrement. Mais Denis Baudouin, vous vouliez revenir sur cet aller-retour entre scientifique et outils d'enregistrement, comment les deux s'auto-alimentent l'un l'autre. Oui, on peut dire que depuis le XVIIIe siècle jusqu'au XXe siècle, et ça continue aujourd'hui avec d'autres voies, eh bien, il y a un aller-retour permanent entre la science qui fait de nouvelles découvertes, et ces découvertes sont utilisées pour mettre au point des systèmes d'enregistrement, comme la photographie ou l'électricité. Et ensuite, à nouveau, ces systèmes d'enregistrement permettent de faire progresser la science, comme le fait Jules Marais. Donc c'est un va-et-vient permanent entre la science qui nourrit la technique d'enregistrement et de mémorisation, et la mémorisation qui permet d'approfondir la science. Et en parallèle, on va miniaturiser, de pouvoir détecter des phénomènes de plus en plus petits et de plus en plus brefs. C'est-à-dire que l'augmentation des fréquences d'enregistrement est absolument faramineuse pour aboutir à des choses qui aujourd'hui dépassent l'entendement. Donc ça, c'est un mouvement permanent qui ensuite nous amène directement à la dernière partie Voici donc arrivés au XXe siècle où l'histoire des sens, je le disais, s'accélère considérablement. Et donc au même titre que l'écriture, que la machine à enregistrer, vous voyez une nouvelle bascule technique avec l'apparition du transistor, Michel Lagus. Voilà, mais il faut... Et du numérique. Et du numérique, mais du transistor dans un premier temps. Et donc de la bascule de l'analogique au numérique, on a compris depuis le début de l'émission que vous teniez justement à cette caractérisation d'analogique d'un certain nombre de techniques. Et là, on passe de l'analogique au numérique. D'autant plus essentiel qu'on n'en a pas conscience en général. On vit dans un monde qui est à la fois analogique et numérique. Bon, qu'est-ce qui se passe au XXe siècle? C'est une bascule numérique absolument considérable puisque nous baignons dans le numérique. Quand est-ce que ça commence? Eh bien, ça commence au IIIe siècle avant Jésus-Christ, au moins. C'est avec un ingénieur savant qui s'appelait Ctésibios, il y en a certainement d'autres, qui avait inventé un orgue pour les cirques, pour faire du bruit dans un cirque de je sais pas combien, dizaines de milliers de personnes. Donc il fallait de la vapeur, etc. Mais il fallait rentrer les notes. Et comment on rentrait les notes? Avec un clavier. Autrement dit, cet homme a été l'inventeur d'une pièce fondamentale de l'ordinateur, le clavier, et d'un procédé de numérisation de la musique. Et les Grecs étaient très forts dans ce qui était dans tout ce qui concernait les nombres, et l'application pratique à la musique est très importante. Avant d'arriver au transistor, il faut quand même rendre hommage à un certain nombre de... je vais le faire très rapidement, ne vous inquiétez pas. Prenez votre temps, on a encore un petit quart d'heure devant nous. Donc. Bon. Il est petit, c'est dommage, mais bon. Un bon quart d'heure alors. Alors on va choisir le métier à tisser. Le métier à tisser, Jacquard, 1801, tout le monde connaît ces dates. Bon, en 1725, il y a un Basile Bouchon qui invente déjà un métier à tisser, sur lequel Jacquard va s'appuyer. Qu'est-ce qui se passe avec Jacquard? C'est que c'est un ingénieur prodigieux qui a su rassembler son expérience dans l'imprimerie avec son expérience dans les métiers à tisser pour fabriquer un espèce d'automate qui peut être piloté par une seule personne. Résultat. Et la carte perforée. Bien entendu. C'est un automate numérique. Pourquoi binaire même? Parce qu'il y a soit des trous, soit pas de trous, c'est-à-dire 0, 1. Là, on touche du doigt vraiment la nature, l'essence du numérique, c'est-à-dire plein, vide, 0, 1, donc une information binaire qui va conduire à l'automatisation d'un acte. Voilà, et qui restera. Peut-être plus que l'exemple de l'orgue dans le cercle. Voilà. Non, mais c'est pas du système binaire, mais c'est du numérique quand même. Le métier Jacquard donc fait basculer dans l'ère industrielle, mais finalement, qu'est-ce qui va se passer au XXe siècle, autour des années 30, avec Turing? On va bien sûr, la machine de Turing. Sur Turing. Mais non, vous savez pourquoi vous n'allez pas la refaire? Parce que nous en avons fait une exactement sur Alan Turing et sur la machine de Turing. Et on va vous mettre, comme d'habitude, lien sur le fil Twitter de l'émission. Mais on pourrait en faire 3 ou 4. Turing est un génie. Largement. Mais je voudrais reprendre quelque chose, une perche que vous nous avez lancée involontairement tout à l'heure, en parlant de machine à inventer. Parce que après la machine à enregistrer, eh bien, on est avec l'ordinateur dans une machine à inventer. Mmh. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. C'est ça, c'est-à-dire c'est ce que vous décrivez dans le livre, hein, c'est qu'il y a une bascule là, paradigmatique essentielle, qui est qu'on n'est plus seulement dans la consigne, dans l'enregistrement, dans la consignation, dans le stockage, mais on passe dans le faire, dans le calcul. C'est l'électricité qui permet ça. Une fois qu'on a transformé l'information en signal électrique, on peut en faire ce qu'on veut. On peut transformer, etc., etc. Donc, je vais passer très très vite sur le transistor. C'est une longue histoire avec beaucoup de détails qui se passe par hasard dans un laboratoire des Bell Téléphones en 48. Va connaître un essor considérable du fait de la Deuxième Guerre mondiale notamment, mais on retrouvera tout ça, évidemment. Il faut faire des choix. Après la Deuxième Guerre mondiale. Juste après la Deuxième Guerre mondiale. Puisqu'on parle de l'ordinateur, arrivons au temps présent et aux questions passionnantes que vous soulevez sur les problématiques liées à la consignation de la mémoire au temps présent. On va donner un ordre de grandeur, c'est toujours intéressant les ordres de grandeur, parce que ça permet de quantifier un peu les choses, de se les représenter. En un demi-siècle, un disque dur d'il y a 50 ans, on a un peu plus de 50 ans, 60 ans, un disque dur d'aujourd'hui, les performances ont été multipliées par 10 puissance 12, c'est-à-dire par 1000 milliards. 10 puissance 12, c'est extraordinaire. Quand je faisais mes cours, je disais, essayez d'imaginer dans votre monde, mes élèves, quelque chose dont les performances ont augmenté de 10 puissance 12. Une fourchette, une voiture, je ne sais pas, ça n'a pas de sens. Et pourquoi est-ce que nous avons accepté d'avoir des outils de traitement de l'information qui ont des performances 10 puissance 12 fois plus grandes? Et c'est un mystère, mais ce mystère est dans notre cerveau, dans les aptitudes de notre cerveau. Il y a trop de questions qui se posent. Je vais vous en poser une. Je le disais aujourd'hui, je le disais, je crois, tout à l'heure, ou à moins que ce soit ici. La quantité, voilà, c'est ça, la quantité de production d'informations quotidiennes, on est à plus de 2 hexaoctets par jour aujourd'hui en 2017. 2 hexaoctets, c'est 10 puissance 18, ce qui est gigantesque, ce qui fait là aussi une bascule extrêmement importante avec l'essor du numérique, qui est que la question n'est plus celle de la consignation, mais de ce qui va être retenu de cette consignation. C'est la question finalement de l'inverse. Que doit-on effacer? Faut-il tout effacer? Que retenir dans Qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Exactement. Ça, c'est une question à laquelle on n'a pas la réponse. Qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Parce que l'espionnage. On peut faire bien sûr de l'espionnage comme le fait le système américain bien connu. Qui n'est certainement pas le seul à le faire d'ailleurs. Mais à côté de ça, le CERN à Genève produit une quantité énorme d'informations tous les jours dans sa grande boucle de collision de particules. Le LHC. Et d'accélération. Et puis on sait bien qu'il y a des tas de signaux qui sont produits qu'on ne sait pas forcément interpréter. On interprète une toute petite partie de ce qui est produit. Et puis, puisqu'on est dans des 10 puissance moins 18 ou 10 puissance 18, on souligne un petit fait qui a été paru récemment dans la presse scientifique. Fabien Quéré, au CEA, a développé une technique de photographie ou de film pour filmer les réactions chimiques, et ils arrivent à des clichés ou des films à 10 puissance moins 18 secondes. ce qui est absolument faramineux, pour pouvoir photographier l'évolution d'une réaction chimique. Donc on est dans des ordres de grandeur qu'on ne peut même pas imaginer, qui sont évidemment plus à notre échelle humaine, à notre échelle sensitive. Bon, mais après ça, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Et ça reste des problèmes éthiques qui ne sont pas résolus, évidemment. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cela a aussi profondément transformé et modifié notre rapport à l'information, ce qu'on appelle aujourd'hui les mégadonnées, donc le big data. Ce sont de nouvelles façons de compiler, de trouver, de lire, d'interpréter ces quantités massives de données qui ne sont plus, comme vient de le dire Denis Benoît, accessibles à notre perception humaine. De Michel Lagus. Oui, on ne se rend pas compte des outils incroyables, des algorithmes complètement nouveaux. C'est une mathématique complètement nouvelle qui se développe pour traiter ces informations. Et ça vaut le coup, puisque le marché des big data est absolument colossal. Tout le monde en a la preuve avec les publicités ciblées qui nous sont proposées. Alors je pensais plus aux big data en médecine ou en physique, les nouvelles façons de faire de l'épidémiologie grâce au retour. Ce n'est pas ça qui rapporte le plus d'argent. Certainement pas, mais enfin je veux dire le big data qui est utilisé au LHC par exemple, effectivement, oui. Parce que une collision de particules produit des téras et des téraoctets de données, et que ces données ensuite elles sont analysées d'abord, elles sont filtrées par des algorithmes. Puis est-ce qu'on peut les analyser? Voilà. Mais alors du coup je vais poser aussi une autre question, puisque vous avez coécrit ce livre en partie grâce aux traces qui sont laissées par l'humanité, les premières peintures pariétales, les tablettes, les ossements, puis les machines qui sont restés dans l'histoire, se pose aujourd'hui la question paradoxalement inverse, comme celle sur la quantité d'informations, de dire aujourd'hui nous produisons énormément d'informations, mais cette information est-elle une information durable? Que restera-t-il de notre fil Twitter @laméthodefc dans 5000 ans, 10 000, 15 000 ans? Est-ce que cette information-là est une consignation de la mémoire collective qui va laisser des traces qui seront interprétables par la prochaine civilisation, des cafards, des méduses, des extraterrestres, je ne sais pas? Les réponses sont complètement paradoxales à une question pareille. Déjà, on peut se demander ce que nous serons nous-mêmes dans 1000 ans. Bon. Même dans 150 ans, on peut se poser la question, on n'est pas sûr d'avoir toutes les réponses. La question a été posée de la fiabilité d'un disque dur magnétique. Tout le monde sait ce que c'est maintenant. Et une étude avait donné un an. Et bon, ça a été très contesté, mais aujourd'hui, personne ne peut soutenir qu'un disque dur peut avoir une durée de vie de plus de 10 ans. Et c'est parmi les durées de vie les plus longues. Il y a peut-être un peu plus long la bande magnétique qu'on peut conserver, mais si vous voulez, on a tellement peu d'expérience dans ce domaine que au bout de 10 ans, de toute façon, les technologies de stockage ont changé. La durée de vie moyenne d'une technologie d'archivage est de 10 ans. Excusez-moi. Elle est paradoxale. Pourquoi la réponse à la question, c'est que il existe un support, vous l'avez cité tout à l'heure, c'est l'ADN, dont la fiabilité... Oui. Et de l'ordre, disons, de plusieurs dizaines de milliers d'années, et ça peut aller jusqu'à 10 millions d'années, on en a la preuve. L'ADN se conserve très mal dans la nature, hein. Ça par ailleurs, on est capable de le conserver correctement, ça n'a évidemment rien à voir avec tous les autres supports dont la durée de vie est de l'ordre de 10 ans. Denis Benoît, vous vouliez réagir? Oui, je voulais simplement rappeler que avec l'argentique qu'on sait produire aujourd'hui, c'est-à-dire le noir et blanc d'aujourd'hui, de très grande qualité, on est probablement à plusieurs siècles de conservation. L'argentique tient la route pour, je veux dire, le microfilm, et nombre de bibliothèques nationales continuent à stocker ce qui est précieux sur du microfilm. Je ne voudrais pas te contredire, mais je voudrais compléter... Et le papier, ça dure des siècles. Je voudrais compléter. La photo et le papier, certes, ont prouvé qu'ils tenaient des siècles, mais tiennent des siècles pour quelle quantité d'informations ? Ah, bien sûr, la quantité d'informations... Dans un livre qui pèse 1 kilo ou 500 grammes, on a 1 mégaoctet. Je dirais 700, le vaut de 700, au jugé comme voilà, ça, je dirais... Au poids, ouais, 450, allez. Allez, 450, bon, 500 grammes. Eh bien, on met 1 mégaoctet. 1 mégaoctet, c'est ridicule, mais ridicule. L'avantage de l'ADN, c'est que dans 1 centimètre cube d'ADN, on peut stocker toute l'information de l'humanité. Alors, je vais renvoyer à l'émission, mais non, on l'a déjà mis sur Twitter. Je yoyote, vous voyez, la mémoire en une heure, parfois, on en perd le fil. Pour conclure, peut-être quelque chose d'intéressant que vous abordez aussi sur la fin de votre livre, puisqu'on parle depuis le début de mémoire externe, ce qui est très intéressant, alors on n'aura pas le recul suffisant pour le voir à l'échelle de l'évolution, mais c'est qu'effectivement, nous avons aujourd'hui, quasiment tous, volontairement, dans les pays développés, certainement beaucoup plus, consenti à externaliser une partie de notre mémoire. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, je ne me souviens plus des numéros de téléphone parce qu'ils sont tous à l'intérieur de mon extension naturelle, hein, c'est l'expression de Michel Serres, hein, ma mémoire à bout de main. Quand je cherche le titre d'un film ou le réalisateur d'un film ou l'année de la sortie d'un film de Tarkovsky, eh bien, je vais sur Wikipédia parce que je n'ai pas tout retenu. Donc, effectivement, si on suit votre logique de tout à l'heure, Denis Baudouin, ça me laisse de la place. J'ai externalisé une partie de mon savoir, j'accepte de l'avoir externalisé, donc ça veut dire que je suis plus ouvert pour accomplir d'autres types de tâches intellectuelles, par exemple. Ça, il faudrait. C'est une question à poser aux spécialistes, mais il me semble que. Je veux votre avis, votre opinion. Mon opinion, c'est que on néglige notre mémoire interne. On la cultive beaucoup moins qu'on l'a cultivée. Quand on voit ce que, au niveau même de nos grands-parents, au début du siècle, ce qu'ils savaient retenir d'une façon extraordinaire, des gens qui parlaient 3, 4, 5 langues et qui savaient des textes entiers. J'en connais encore aujourd'hui. Hein. On en connaît encore aujourd'hui, mais je veux dire qu'en dehors des acteurs, l'immense majorité de la population des pays développés ne cultive plus sa mémoire. Alors, dans les civilisations, effectivement, dans les pays moins développés, on est obligé de sa mémoire parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on n'a pas l'alternative. Mais il y a sûrement une dégénérescence de la mémoire interne, quitte à privilégier d'autres aspects qui sont des aspects plus culturels et plus ouverts. Michel Lagus. Il me semble qu'il y a aujourd'hui de très grandes choses qui changent et de très grandes questions qui se posent. Un chiffre, le transistor des microprocesseurs, pour rester dans ce domaine-là, a atteint un minimum de prix. On en a 10 milliards sur un microprocesseur. Les techniques de fabrication sont tellement compliquées que le prix de chaque transistor a baissé, mais maintenant le prix... Transistor, c'est des puces électroniques, hein, enfin, aujourd'hui. Voilà. Le prix est de $50 pour le milliard de transistors. Et le minimum a été atteint en 2012. Alors, c'est un élément parmi bien d'autres qui montre que beaucoup de choses sont en train de changer autour de l'an 2000, entre 2000 et 2050, disons. Pour l'emploi, par exemple, Internet a bousculé tellement la circulation de l'information qu'il y a des superstars qui peuvent devenir extrêmement puissantes en utilisant cette circulation. Et que l'emploi risque d'en être durablement amputé. C'est une autre considération sur laquelle nous reviendrons certainement, comment transformer l'emploi du futur, dans une prochaine émission. En attendant, pour compléter ce que vous venez d'entendre, eh bien, je vous invite à vous précipiter en librairie pour plonger dans l'invention de la mémoire, ce livre que vous avez coécrit, Michel Lagus, Denis Baudouin, avec votre camarade Georges Chapoutier, l'invention de la mémoire, écrire, enregistrer, numériser, c'est aussi CNRS Édition. Merci beaucoup messieurs d'avoir accepté notre invitation et d'être venus parler de ce livre passionnant. Merci beaucoup. Et merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Noémie Naguette-Saint-Villefranc, Céline Lezen, Eve Etienne, Hugo Bartholomeï, Antoine Beauchamp, Elisabeth Miro à la réalisation, Pierrick Monsigny à la technique, Jean-François Souvilly au droit d'auteur. La suite de vos aventures sur France Culture, tout à l'heure, après le journal de 18h, dans le grain à moudre, Hervé Gardette se demandera ce soir si Bachar al-Assad a gagné la guerre. Dans quelques minutes maintenant, c'est le dernier épisode de la série documentaire de la semaine, 100 ans après la révolution russe, héritée de 1917 par Marie Chartron et Julie Bérécy. Et pour ce qui nous concerne, eh bien c'est demain comme un vendredi sur deux, notre table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche. Il sera question des rythmes circadiens, de bombes nucléaires et de l'organisation de notre mémoire encore, mais côté neurosciences cette fois, ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.